franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui 88, Les Accords Matignon, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Philippe Touzet, réalisée par Pascal Deux. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la fiction, nous vous racontons les accords de Matignon que toute la presse à l'époque avait reconnu comme un incontestable succès. En effet, 2 mois après l'assaut de la grotte d'Ouvéa, qui fit 19 victimes chez les Kanaks et 2 chez les militaires, Michel Rocard, nommé Premier ministre après la réélection de François Mitterrand, réussit à faire signer le 26 juin 1988 un accord de paix entre Jean-Marie Djibaou pour le FLNKS et Jacques Lafleur pour le RPCR, les représentants des 2 communautés ennemies de Nouvelle-Calédonie, les Kanaks et les Caldoches. Comment Michel Rocard, à peine nommé Premier ministre, réussit-il avec son équipe, notamment le préfet Christian Blanc, à réunir autour de la table de négociation 2 leaders si opposés que Djibaou et Lafleur? Que s'est-il passé et que s'est-il dit dans les salons de Matignon entre ces négociateurs, le Premier ministre et les 2 représentants de la Nouvelle-Calédonie? Autour de quel projet les discussions ont-elles pu s'établir alors que, quelques semaines auparavant, la violence et l'incompréhension régnaient en Calédonie? Eh bien, ce sont ces doutes, justement, ce travail acharné, cette volonté de réussir, de comprendre l'autre au-delà des clivages et des égoïsmes dont nous voulons, à travers la fiction, ici témoigner. Cet accord surprise, conclu ce dimanche 26 juin 1988 entre indépendantistes kanaks et loyalistes caldoches, propose une administration directe du territoire de Nouvelle-Calédonie par l'État pendant 1 an, puis 2 nouvelles institutions, un statut fédéral instauré pour les 9 années qui suivront, en attendant le scrutin d'autodétermination qui décidera du destin de la Nouvelle-Calédonie. Et voici ce que Michel Rocard déclarait après la signature de l'accord. « Je veux m'adresser à eux, si loin et depuis 45 jours si présents à mon esprit, à mon cœur. Je veux leur dire, reprenez espoir. Une page nouvelle va pouvoir s'inscrire, non pas par les armes, mais par le dialogue et la tolérance. » Ceux qui, à Paris, ont parlé en votre nom, n'ont rien abandonné, ils ont su donner et pardonner. Après la fiction, nous retrouverons Jean-François Merle, qui était conseiller technique chargé de l'outre-mer à Matignon de 1988 à 1991 auprès de Michel Rocard, et qui nous aidera à comprendre les enjeux très importants de ces accords. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. On vous fera pas de mal. On veut juste vous garder jusqu'au 2e tour de l'élection présidentielle. On est des pacifistes. Mais il faut qu'ils nous entendent là-bas à Paris. Ils peuvent pas décider sans qu'on ait notre mot à dire. Ça s'appelle une prise d'otage, ce que vous faites là maintenant, les gars. Dites-moi ce que vous voulez en échange de la libération de tout le monde. Et je vous donne ma parole, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour satisfaire vos revendications. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'on veut l'indépendance de la Kanaky libre et socialiste? Ils ont quand même assassiné 4 gendarmes. Ce ne sont pas des tendres. Je sais, mon général, mais je ne les ai pas sentis menaçants. Ils sont dépassés par les événements, c'est tout. Je ne pense pas qu'ils voulaient en arriver là. Écoutez, mon général, l'ordre de Matignon est formel. Qu'on soit d'accord ou pas avec cette raison. C'est entendu, monsieur le ministre, c'est entendu. Mais vous comprendrez que dans ces conditions, je dis à mes hommes de ne prendre aucun gant avec les ravisseurs. Mon seul souci, c'est d'épargner mes hommes. Et de venger l'honneur de la République, j'insiste. Ne l'oubliez pas, mon général. Ne bougez pas! Je suis otage! Ok. Et lui? C'est Wamo, un des leurs. Mais il est blessé, il a besoin de soins. Ok. Laisse-le là. Laisse-le là, je te dis! On va s'en occuper! Toi, va par là. D'accord. Monsieur François Mitterrand est élu président de la République avec 54% des voix. Monsieur Chirac obtenant 46% des voix. C'est une première. 88, Les accords de Matignon, de Philippe Touzet. Réalisation, Pascal Deux. Le président de la République décrète Monsieur Michel Rocard est nommé Premier ministre. Je vous remercie. Cour de l'hôtel Matignon, 10 mai 1988, 17h. Nous sommes en direct de Matignon. Michel Rocard est arrivé il y a une dizaine de minutes, apparemment détendu, accueilli par un Jacques Chirac souriant. La poignée de main a été franche et amicale. Il est utile de rappeler que les deux hommes se connaissent et s'apprécient depuis longtemps puisqu'ils furent condisciples à Sciences Po. Malgré tout, cette passation de pouvoir dépasse le cadre habituel de la cérémonie républicaine. Plusieurs dossiers, dont le dossier calédonien, divisent profondément les deux hommes. Jacques Chirac, Premier ministre en exercice, vient d'être sèchement battu par François Mitterrand aux élections présidentielles. Une fois à l'abri des caméras et des micros, il se pourrait que la cordialité de façade imposée par nos institutions vole en éclats et laisse place à une discussion glaciale à couteau tiré entre l'ancien et le nouveau Premier ministre. Bureau du Premier ministre, 17h10. Jacques, je t'avais dit de te méfier de lui. Comme Mitterrand est sympathique, attentionné, tu sais d'avance que tu vas avoir un gros problème dans la journée. Et quand il te fait un compliment? Alors là, c'est tous aux abris. C'est quand il te sourit qu'il a le poignard le plus près de ton dos. Jacques, entre nous, qu'est-ce que vous avez foutu en Nouvelle-Calédonie? J'ai rétabli l'ordre républicain. Tu as lu les rapports secrets défense sur le déroulement de l'opération Victor à Ouvéa? L'opération Victor a été couronnée de succès. Tous les otages ont été libérés, sains et saufs. Tu as lu les rapports sur ce qui s'est réellement passé? Le pays était à feu et à sang, au bord de la guerre civile. J'ai fait preuve d'autorité. Tu veux que je te dise de quoi tu as fait preuve? D'un manque de vision politique. Ou plutôt, tu as privilégié la petite politique à la grande politique. Michel, je m'en vais. J'ai rendez-vous avec les chefs de la majorité, enfin, de l'opposition, à l'hôtel de ville. Et je fais quoi, moi, maintenant, avec tous ces morts? Je fais comment pour ramener la paix? Tu me raccompagnes? Tu as autorisé l'armée à mener des actions de police. Tu as permis à des militaires de procéder à des arrestations, à mener des interrogatoires, comme au bon vieux temps de la coloniale. Mais tu vas me dire, je connais le chemin, je pourrais sortir tout seul, mais tu connais les journalistes, ce sont des esprits chagrins. Ils pourraient se poser des questions sur la continuité du pouvoir, la pérennité des institutions. Je te raccompagne. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Ah, nom de Dieu, Jacques, arrête avec ça. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France. L'Indochine, c'est la France. L'Algérie, c'est la France. Je ne comprends pas comment tu as laissé pourrir la situation à ce point. Jusqu'au massacre. Michel, tu commences à me les casser sévèrement. Des terroristes ont attaqué une gendarmerie. Ce ne sont pas des terroristes. Des terroristes ont attaqué une gendarmerie. Ils ont tué 4 gendarmes et ils ont pris les autres en otage. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Le dialogue, la négociation. C'était trop tard. Tu n'as même pas essayé. Monsieur le Premier ministre. Oui, oui. Excusez-moi, nous sommes à quelques pas du perron. Les portes sont ouvertes, les journalistes pourraient entendre. Caroline, vous et Mathieu allez m'attendre dans mon bureau. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. La fleur, je peux compter sur lui? Oui, c'est quelqu'un de bien, de solide. Et Chibaou? Quand on est sur le perron, on se serre la main et on sourit. Jacques. On se serre la main et on sourit. Jacques. Bon courage, monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le maire. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Libération pour Irak, s'il vous plaît. Bureau du Premier ministre, 17h45. Ok. Donc, depuis 1981, la revendication indépendantiste s'intensifie. Le FLNKS conteste le statut Lemoine au motif qu'il ne va ni assez loin, ni assez vite vers l'émancipation. Et qu'il ne restreint pas le corps électoral aux seuls Kanaks et aux victimes de l'histoire. Mathieu, qu'est-ce que vous faites? Ah, je lis à Caroline la synthèse que vous m'avez demandée. Posez-la sur mon bureau, je la lirai plus tard. Oui. En revanche, je vous demande de me communiquer dans les plus brefs délais des notes administratives, des comptes rendus détaillés des derniers événements et des livres d'histoire sur la Nouvelle-Calédonie. Il faut que je m'imprègne totalement du sujet. Le président estime que c'est le dossier prioritaire du début de son second mandat et je partage son avis. Cela n'a que trop duré, il faut agir vite et trouver une solution rapidement. Est-ce que le président a fixé un délai? Pas exactement, mais je crois deviner qu'il serait satisfait si nous parvenions à un accord entre les deux parties avant le début de l'été. Quoi ? Fin juin, début juillet. Un mois et demi ? En effet. Non, monsieur le Premier ministre, comment voulez-vous débloquer en quelques semaines une situation inextricable et qui ne cesse de s'aggraver de jour en jour ? Avec ce qui vient de se passer à Ouvéa, nous sommes au bord de la guerre civile. La moindre étincelle et c'est le chaos général. C'est pour ça que nous devons faire preuve de célérité. Nous n'avons pas le temps. Nous devons éviter à tout prix un autre Ouvéa. C'est certain que le facteur temps est essentiel dans le traitement de ce dossier. Mais comment faire ? Les Calédoniens d'origine européenne votent en grande majorité pour la droite. Ils ne font pas confiance à un gouvernement socialiste. De l'autre côté, les Kanaks, pour eux, que le gouvernement de la République française soit de droite ou de gauche, c'est pareil, aucune confiance. Aucune confiance d'un côté plus aucune confiance de l'autre égale une méfiance totale vis-à-vis du gouvernement. Ah, sans compter qu'ils n'ont aucune confiance les uns dans les autres. Vous m'avez convaincu. Je vais téléphoner au président pour lui dire que ce n'est pas la peine d'insister. C'est trop tard, trop compliqué, et puis c'est loin. C'est vrai que c'est loin, la Nouvelle-Calédonie. Alors... que faisons-nous ? Il faut renouer le dialogue. Facile à dire. Renouer le dialogue dans un pays à feu et à sang. Il y a eu des morts. Trop de morts. Justement, cette situation n'est pas tolérable. Il faut y mettre un terme. Et la seule solution, c'est la paix. À nous de réunir les conditions favorables à l'ouverture d'un dialogue. La paix ne danse pas au son du canon et ne marche pas au pas cadencé. La paix, c'est simple. Ce sont des personnes qui s'assoient autour d'une table et qui discutent. Je suis certain que Lafleur et Tjibaou pensent la même chose que moi. Le problème, c'est qu'aucun des deux ne fera le premier pas. C'est à nous de lancer l'invitation à venir s'asseoir autour de cette fameuse table. Alors bien sûr, il y aura des crispations, des engueulades, des concessions, des compromis, mais au bout du bout, nous aurons la paix. Une paix équilibrée qui ne se fera pas au détriment d'un des deux parties en présence. Et tout ça en l'espace d'un mois et demi. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Le temps, c'est du sang. Si je comprends bien, monsieur le Premier ministre, vous souhaiteriez envoyer dans les plus brefs délais une sorte de mission du dialogue en Nouvelle-Calédonie. Oui. Mais qui en ferait partie ? Les politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont décrédibilisés. On pourrait envoyer une mission composée d'hommes politiques de gauche et de droite. Je viens de te dire que les politiques de gauche et de droite sont définitivement hors jeu. Tout du moins dans un premier temps. Il faudrait constituer un groupe de personnalités hautement incontestables et qui ne représenteraient qu'eux-mêmes et non l'État. Des personnalités chrétiennes et spirituelles, car la religion tient une grande place dans la société calédonienne. Qu'en pensez-vous ? Ce n'est pas très orthodoxe, mais ça peut marcher. Et vous, Mathieu ? Est-ce que nous avons une autre solution ? Celle-ci a au moins le mérite de l'originalité. Elle montre aux deux parties que nous envisageons toutes les possibilités pour renouer le contact. Un groupe de personnalités hautement incontestables. Je présume, monsieur le Premier ministre, que vous avez déjà réfléchi à la question ? Oui, j'ai ma petite idée. Comme vous le savez, je suis protestant, je vais donc commencer par mon ami Jacques Stewart, le président de la Fédération protestante de France. Je vais lui présenter mon projet, je vais voir comment il réagit. Alors, nous devons aussi contacter le cardinal Lustiger ? Non. Non ? Non. On fait l'impasse sur l'Église catholique ? Mathieu, le chef de l'Église catholique en France, ce n'est pas l'archevêque de Paris, mais celui de Lyon. Le primat des Gaules, le cardinal archevêque de Courtrai. Je suis certain qu'il saura nous orienter vers une personnalité de grande qualité. Je suis désolé, je ne savais pas. Je croyais que tu étais lyonnais. Non, je suis stéphanois. Et moi, je suis né à Courbevoie, mais ça ne fait pas avancer le débat. Pour notre mission du dialogue, j'ai également pensé à Roger Leray, ancien grand maître du Grand Orient de France. Les francs-maçons ? Ben oui. Les loges du Grand Orient sont les seuls endroits où les Kanaks et les Calédoniens d'origine européenne se rencontrent encore. Nous ne pouvons pas négliger cette option. Un protestant, un catholique, un franc-mac... et un haut fonctionnaire, Christian Blanc. Oh, c'est la personne indiquée pour participer à ce type de mission. Et d'un, je le connais très bien, il a longuement travaillé à mes côtés. Et de deux, il connaît très bien le dossier pour avoir fait partie de l'équipe de Pisani. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que vous souhaitiez constituer un groupe de personnalités incontestables et qui ne représenterait qu'elle-même et surtout pas l'État. Alors d'abord, les trois personnalités que nous venons de citer ne représentent pas qu'elles-mêmes. Elle représente des composantes incontournables de notre société. Je vous l'accorde. Et en ce qui concerne M. Blanc, nonobstant ses qualités indéniables, en tant que haut fonctionnaire, il représente l'État. Ce n'est pas un élu et pour moi ça fait une grosse différence. Il n'est pas affilié à un parti. Peut-être, mais il est affilié à votre parcours politique. Et il a travaillé avec Edgar Pisani. Pisani a été ministre avec Debré et Pompidou. Oui, mais il a été nommé haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par François Mitterrand. Et ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie par Fabius. Si on veut que la droite nous laisse tranquille, il faut que la composition de cette mission du dialogue soit irréprochable. Et là, on se retrouve avec un haut fonctionnaire qui penche plutôt à gauche. Bon, si c'est juste une question d'équilibre, il faut trouver un haut fonctionnaire qui penche plutôt à droite. Où est-ce que j'ai mis mes gauloises? Elles sont là, monsieur le Premier ministre. Merci. Je vais appeler Raymond Barre. Barre? Je pense à Pierre Steinmetz, son ancien conseiller pour les dom-toms. J'aimerais avoir son avis. Y a pas de cendrier? Si son avis est favorable, notre équipe est au complet. Il faut d'abord que je soumette cette idée au président. Même s'il est d'accord, et surtout s'il est d'accord, il va vouloir mettre son grain de sel. Que c'est pas un grain de sable? Mathieu, grain de sel, grain de sable, l'association d'idées est amusante, mais concernant le président, je vous prierai de ne pas tenir ce genre de propos devant moi. Tenez, monsieur le Premier ministre, c'est pour votre cigarette. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une sorte de coupe en cristal? Vous croyez que c'est l'objet indiqué pour écraser une cigarette? Peut-être pas. Ça a l'air précieux et vieux. Oui, je pense pas que ça soit une bonne idée. Sinon, monsieur le Premier ministre, vous avez les pots de fleurs. Eh. Bon, on se revoit dans une heure. Je veux les notes administratives, les comptes rendus et les livres d'histoire. Et aussi les numéros de téléphone des personnes que je viens de citer. Je les appellerai personnellement. Allez, on y va. C'est parti. 3 jours. La mission doit partir dans 3 jours. Hôtel Matignon, appartement du Premier ministre, 17 juin 1988, 15h33. Mais vous pouvez pas me foutre la paix 30 secondes? Je suis en train de prendre un bain dans ma baignoire, dans ma salle de bain, alors foutez-moi la paix, s'il vous plaît. C'est moi. Mais même toi, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Non, je te laisserai pas tranquille. Parce que moi, je suis pas un de tes conseillers, je suis ta femme. Et je veux savoir si ça va. Non, ça va pas. Alors il faut aller à l'hôpital, au Val-de-Grâce. Arrête de dire toujours la même chose. Je peux pas aller à l'hôpital, c'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Lafleur et Chibaou sont à côté, dans le salon. Ils sont là pour travailler avec moi sur la procédure à mettre en place pour les négociations de la semaine prochaine. Tu leur dis que tu ne peux pas. Ils ont traversé la moitié de la planète. Tu es malade. Dès que je m'absente parce que je n'en peux plus, que je suis plié en deux, il recommence à s'engueuler. Ce matin, dans le bureau du président, tu étais tellement mal. Il a fallu que tu t'allonges sur le canapé. Il a appelé son médecin personnel. Ça, c'était pour se couvrir. Il s'est dit, si Rocard meurt dans mon bureau, tout le monde va croire que je l'ai empoisonné. Ah, merde, ça me fait mal de rire. Michel, tu n'es pas sérieux. Qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Colique néphrétique, direction l'hôpital, et tu as dit non. Il m'a dit aussi, vu les circonstances, si vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, dès que vous ressentez les premières douleurs, vous prenez un bain chaud. C'est radical, mais ça ne dure pas. Ah. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sors de la baignoire, je ne peux même pas demander à Lafleur et Chibaou de venir me rejoindre dans la salle de bain. Oh. Tu peux me passer la serviette, s'il te plaît? Merci. Tu es sûr que ça va? Mais oui, ça va. Ne t'inquiète pas pour moi, c'est douloureux, mais ça va passer. Tu me promets qu'après la réunion, tu vas à l'hôpital? Mais oui, j'ai... Oh, oh j'ai trop mal, faut que je m'assoie. Je déteste te voir comme ça. Tu peux pas savoir ce que ça me fait. Dans la pièce à côté, il y a 2 hommes que tout sépare. Ce n'est pas un fossé qui les sépare, un fossé que tu enjambes d'un pas léger, c'est un gouffre. Et au fin fond de ce gouffre, tu entends la voix des morts. Pour aller vers la paix, vers la vie, il va falloir passer au-dessus de la voix des morts. Et pour passer au-dessus, il faut un pont, et ce pont, c'est moi, c'est nous, c'est le gouvernement, la République. Il faut tout faire pour que ces 2 hommes se rejoignent. Parce que ces 2 hommes veulent la paix. Et moi, comme un con, je peux même pas mettre mes chaussettes tout seul. Attends, je vais t'aider. Il faut qu'on se mette d'accord sur le déroulement des négociations. Arrête de bouger, je peux pas les mettre, là. Il faut que Lafleur et Chibaou signent un communiqué commun dans lequel ils s'engagent à commencer des pourparlers dès la semaine prochaine. Lève-toi doucement. Appuie-toi sur moi. Hein? On va essayer de mettre ton pantalon. Je m'appuie sur toi, ça fait des années que je m'appuie sur toi. Est-ce que tu le sais? Hôtel Matignon, bureau du Premier ministre, 26 juin 1988, le matin. Depuis 15 jours, au terme de longues heures de négociations, les délégations de Nouvelle-Calédonie conduites par messieurs Lafleur et Djibaou ont ensemble donné leur accord à ce que l'État reprenne pendant les 12 prochains mois l'autorité administrative sur le territoire. L'impartialité de l'État doit être garantie. La sécurité et la protection de tous doivent être assurées. Des actions de développement économique et social et de formation des hommes seront mises en œuvre, notamment pour les régions défavorisées. Les délégations se sont ensemble engagées à présenter ces discussions à leurs instances respectives et à requérir leur accord sur des propositions que je leur ai faites pour définir de nouvelles institutions permettant une évolution harmonieuse de la Nouvelle-Calédonie. À l'automne, je proposerai à Monsieur le Président de la République, qui a suivi avec attention l'ensemble de ces conversations, que le peuple français soit consulté par référendum sur ces institutions nouvelles afin qu'il apporte la garantie la plus haute. Dans 10 ans, par un nouveau scrutin d'autodétermination, c'est à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie eux-mêmes qu'il appartiendra de choisir les voies et les moyens de leur destin. Je veux m'adresser à eux, si loin et depuis 45 jours si présents à mon esprit et à mon cœur, je veux leur dire, reprenez espoir, une page nouvelle va pouvoir s'inscrire non par les armes, mais par le dialogue et la tolérance, par le travail et la volonté. Ceux qui, à Paris, ont parlé en votre nom ont fait preuve de courage et de responsabilité. Sans rien abandonner, ils ont su donner et pardonner. Je veux vous aider à réussir votre destin par la réconciliation, la solidarité et la construction de l'avenir. Je suis sûr que les Français, tous les Français, nous y aideront. 26 juin 1988. Voilà, c'est le communiqué que je vais lire dans quelques instants devant la presse. Bien sûr, il a été approuvé et signé par les représentants du FLNKS et du RCPR. La nuit a été courte. Tu n'es pas parfait, mais tout est perfectible en ce bas monde. L'important, c'était de lancer le processus de paix. Que les adversaires d'hier deviennent les partenaires de demain. Il faut penser long. Il y aura encore des choix difficiles à faire, mais l'avenir de la Nouvelle-Calédonie est assuré si les deux communautés ne coupent pas le fil du dialogue et surtout, il est nécessaire de contribuer au rééquilibrage économique. Car d'un déséquilibre social et moderne peut facilement surgir un conflit ethnique archaïque. Je me rappellerai toujours la tête des membres des deux délégations hier soir. Quand vous leur avez dit « Alors bon, on est samedi 19h30, j'ai dégagé mon agenda jusqu'à mardi matin ». À partir de maintenant, plus personne ne sort. Nous avons de quoi manger et j'ai demandé qu'on installe des matelas dans le salon. D'entrée de jeu, vous avez mis la pression. C'était plutôt un coup de poker. Un coup de bluff raisonné et raisonnable, car je savais que Djibaou et Lafleur voulaient la paix et qu'ils étaient prêts à payer un prix élevé pour l'obtenir. Une fois de retour en Nouvelle-Calédonie, vous pensez qu'ils auront des difficultés à convaincre leurs corps respectifs ? Il est toujours beaucoup plus dangereux de faire la paix que la guerre. Il paraît qu'ils se sont serrés la main sous la table. Moi, j'ai rien vu. Moi non plus. Ils voulaient certainement que ce moment n'appartienne qu'à eux deux. Oui. Monsieur le Premier ministre, les membres des deux délégations sont arrivés, ainsi que la presse. Vous êtes attendu pour la lecture du communiqué officiel. Alors allons-y. Ne faisons pas attendre l'histoire. C'était 88, les accords de Matignon. de Philippe Touzé, avec Christophe Audan, Michel Rocard, Michel Villarmoz de la Comédie Française, Jacques Chirac, François Perrache, Mathieu, Pauline Ziadé, Caroline, Luce Mouchel, Madame Michèle Legendre-Rocard, Laurent Natrella de la Comédie Française, le journaliste, Lionel Mur, l'huissier, et les voix de Sylvain Gauthier, Bertrand de Rofignac, Othello Vilgar, Christine Braconnier. Prise de son, montage et mixage, Jehan-Richard Dufour, Amandine Grévoz. Bruitage, Patrick Martinache. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Pascal Deux. Une case ne se construit pas en un jour, une formule que pourrait reprendre à son compte Michel Rocard. Les nouvelles institutions sont en marche, la paix est revenue, mais tout n'est pas réglé pour autant. Que peut-on constater ici? Que bien sûr, tout n'est pas réglé, qu'il reste à la fois bien des retards et aussi un certain nombre de méfiances, des hésitations, ici ou là quelques rancœurs, elles se comprennent, l'histoire fut lourde. Mais qu'en même temps, la volonté du développement est née dans toutes les communautés. Ma double constatation ici, si vous voulez, elle me rend plutôt optimiste, s'il me faut concéder l'usage de ce terme, c'est que l'esprit des accords Matignon, qui est d'abord un esprit de respect mutuel de l'existence et de l'identité de l'autre, est passé partout, où moi j'ai pu passer sur place et le vérifier, et c'est ensuite que de toutes parts, au nord, au sud, dans les îles, on pense en termes de développement et de développement conjoint. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui 88, les accords de Matignon. Notre invité Jean-François Merle, ancien conseiller de Michel Rocard pour l'Outre-mer. Bonjour. Bonjour Jean-François Merle. Bonjour. Merci de revenir, je dis revenir parce que vous étiez là vendredi avec nous pour nous informer, commenter, analyser le premier volet de cette histoire calédonienne, c'est-à-dire l'assaut sur la grotte d'Ouvéa. Nous allons donc passer aujourd'hui aux accords de Matignon. Et je rappelle que vous étiez conseiller technique chargé de l'outre-mer à Matignon de 1988 à 1991 auprès de Michel Rocard. Donc vous étiez là pour le coup au cœur de l'événement. Quand Michel Rocard est mort cet été, les hommages ont été nombreux et à juste titre. C'est-à-dire qu'on s'est souvenu à quel point cet homme avait apporté de l'originalité dans la pensée de la gauche, et puis avait signé quelques grands succès, des choses importantes, je pense au RMI notamment, mais je pense aussi, et tout le monde pense évidemment, à ces accords de Matignon qui ont été un peu l'exploit politique de Michel Rocard. Il se dit que même François Mitterrand, quand on connaissait les rapports entre les deux hommes, avait été impressionné. Alors je ne sais pas si vous avez cette école-là. Il avait dit chapeau, en quelque sorte. Oui, en tout cas, il avait... Bon, d'une part, il avait laissé entièrement le Premier ministre mener cette négociation de la manière dont il le souhaitait. Il avait été très régulièrement tenu au courant des avancées de la négociation. Et il avait tout fait, aux différents moments où son accord était requis pour faire avancer les choses. Par exemple, quand il a fallu pouvoir dire que un référendum était possible pour sanctionner de la manière la plus solennelle possible d'éventuels accords, il a facilité les choses. Oui, tout à fait. Alors, pour arriver à cette réussite politique majeure, il y a eu plusieurs temps, hein. Alors, pêle-mêle, il y a le temps de la composition du casting, si j'ose dire, du triumvirat, il y a le temps de l'accord, à Matignon, voilà, on va raconter tout ça. C'est quoi le premier temps pour vous, dans ce processus qui va arriver à ces accords de Matignon? Ben, il est un peu avant. Je vais vous faire dire quelque chose qui n'a pas été beaucoup dit, je crois, jusqu'ici. C'est que dès le début de l'année 1988, c'est-à-dire avant que François Mitterrand se soit déclaré candidat, oui. Et à une époque où Michel Rocard se disait qu'il n'était pas impossible qu'il le soit et qu'il soit le candidat de la gauche pour devenir président de la République. Et je rappelle que François Mitterrand s'est déclaré très tard, au mois de mars 88. Donc au mois de janvier-février 88, on savait que, parce qu'il y avait des tensions, elles étaient visibles, connues, qu'il faudrait régler le problème de la Nouvelle-Calédonie. Et le Christian Blanc, qui était à l'époque préfet de Seine-et-Marne et qui était un proche, qui avait été aussi un proche collaborateur de Michel Rocard, qui connaissait bien la Nouvelle-Calédonie pour y avoir servi auprès d'Edgar Pisani, était un des conseillers actifs sur ce dossier. Et on avait une certitude, si vous voulez, c'est que si on voulait régler cette question, et c'était avant Ouvéa, il fallait absolument déconnecter la solution du problème calédonien des enjeux de politique intérieure nationale. Ouais. Et donc, on s'était dit, dans l'hypothèse où Michel Rocard est élu président au mois de mai, il se trouve à devoir traiter le dossier, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'était dit, il faut une mission transpartisane. Ouais. Et une des bonnes façons de faire, c'est d'essayer d'avoir l'assentiment du président de l'Assemblée nationale, qui était à l'époque Chaban-Delmas, qui le serait resté encore quelques semaines dans l'hypothèse d'une élection présidentielle. Et donc, en janvier 1988, avec Christian Blanc, à la préfecture de Melun, nous avions rencontré Pierre Charron, qui était à l'époque un des conseillers politiques directs du président Chaban-Delmas. Et on avait évoqué l'idée, la perspective que cette mission puisse se constituer. On avait posé quelques jalons pour préparer. Alors après Ouvéa, les choses étaient évidemment complètement différentes. On pouvait pas être uniquement... Il y avait un tel... passif, je veux dire, sur la droite française à ce moment-là, qu'on ne pouvait pas être dans une démarche purement politique transpartisane. D'où l'idée de faire appel pour... et puis en plus, Ça a été un choc terrible pour la Nouvelle-Calédonie quand même. C'est parce que on ne mesure pas complètement, mais entre 1982-83 et 1980 et l'affaire d'Ouvéa, il y a eu en Nouvelle-Calédonie plus de 80 morts par mort violente. On l'a évoqué vendredi dernier. Et si on ramène ça à la population de la Nouvelle-Calédonie à l'époque, oui, c'est comme si une ville de 20 000 habitants en métropole avait été rayée de la carte. Je pense qu'on en aurait un peu parlé. Bien sûr. Donc, si vous voulez, l'idée de, pour surmonter ce traumatisme, il fallait replonger au cœur des racines de la société calédonienne. Et elle est extrêmement structurée par le fait religieux. Et c'est une des raisons pour lesquelles a été construite l'idée de cette mission du dialogue en faisant appel à un responsable de l'Église catholique, le père Guiberto, qui était à l'époque recteur de l'Institut catholique de Paris, au président de la Fédération protestante de France, le pasteur Jacques Stewart. Et puis, parce qu'il y a... La religion n'empêche pas aussi d'autres formes d'expression de la spiritualité un ancien grand maître du Grand Orient, Roger Loret. Alors on dit, vous allez me confirmer ou pas, que Jean-Marie Djibaou, d'un côté, Jacques Lafleur de l'autre, sont aussi francs-maçons. Et est-ce que ça aurait transcendé? Non, enfin, je ne crois pas que ça ait transcendé. Pour Jacques Lafleur, il l'a laissé entendre. Pour Jean-Marie Djibaou, je ne sais pas. Voilà. Mais je pense que l'idée, si vous voulez, c'était d'avoir des gens qui puissent s'exprimer. D'abord, écouter. Ils ont passé énormément de temps pendant les cinq semaines où ils sont restés en Nouvelle-Calédonie à écouter les communautés, les associations, tout le monde. Leur rapport était d'une richesse inouïe de ce point de vue. Et ils avaient une parole libre. Ils ont fait leurs recommandations librement. Louis Le Pincec, le ministre de l'Outre-mer, avait une très belle formule pour les définir. Ils étaient habités par l'écoute humble et la parole sincère. Et je crois que c'est ce qui vraiment les caractérise. Alors qu'est-ce qui se passe donc entre Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur à ce moment-là? Ah ben, pendant les premiers temps, quand la mission du dialogue est là-bas, il n'y a pas de contact entre les responsables de la mission, les responsables, disons, plus politiques de la mission, qui étaient... Il y avait quand même ce côté bipartisan dans la mesure où... Mais il y a des contacts indirects entre ceux qui entourent Michel Rocard avait demandé à Raymond Barre que son ancien conseiller pour l'outre-mer, Pierre Stenmetz, fasse partie de cette mission. Il avait la confiance de Jacques Lafleur. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y avait des rapports entre Lafleur et Djibaou, pas direct, mais entre les hommes qui les entourent? Est-ce qu'il y avait une courroie ou est-ce que vraiment on allait voir les uns pour on allait voir les autres? Au début, ils ne se parlaient pas. Hein, ça, c'était clair. Hein, c'était et les premières rencontres à Paris ont été un peu tendues, hein, quand même. Bon. Et puis, trois mois avant, on demandait l'interdiction du FLNKS. Je crois qu'il y a eu l'histoire, elle passe aussi par des transfigurations des hommes deviennent plus grands qu'eux-mêmes à un moment. Ah, oui, je vais parler de transcendance. Alors pas forcément pour les raisons que j'avançais, mais oui, il y a une forme de transcendance. Très bien. Et de transfiguration, comme vous dites, face à des enjeux, effectivement. Face à des enjeux et à l'amour de son pays. Exactement. Et une conscience politique. Bien, on se retrouve, Jean-François Merle, dans 3 minutes. Et là, on va aller à Matignon. Ça se passe boulevard Haussmann à 5 heures. Elle sent venir une larme de son cœur. D'un revers de la main, elle efface. Des fois, on sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi ces rivières, soudain sur coule dans la fourmilière, Ça se passe à Manhattan dans un cœur. Ils sont montés une vague des profondeurs. Pourtant j'ai des amis sans bye bye. Du soleil, un amour, du travail. Pourquoi ces rivières? Dans le monde, chaque seconde, des visages tout d'un coup s'inondent. Un revers de la main efface. Des fois, on sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi ces rivières soudain sur les les hangars, les tempos, les harmonies, les guitares. On danse des étés entiers au soleil, mais la musique est mouillée par elle. Pourquoi ce mystère? Malgré la chaleur des foules, dans les yeux Merle, nous arrivons donc maintenant dans notre récit. On a pris la forme chronologique, hein, parce que c'est quand même assez compliqué comme affaire. Donc comme ça, on a des repères. Et nous arrivons à l'acmé de ce processus, les fameux accords de Matignon. S'ils s'appellent accords de Matignon, c'est qu'ils ont été signés à Matignon, hein, c'est clair. Et alors les coulisses sont absolument passionnantes. Donc vous étiez... Alors vous, on connaît votre rôle, mais ne serait-ce que géographiquement, vous étiez où? Auprès du Premier ministre? Non, parce que le Premier ministre avait voulu voir les... responsable des partis en tête à tête. D'accord. Et lui-même l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Il pense que ça a été aussi le fait qu'il l'ait vu à un moment malade, souffrant. Il pense que ça a été aussi un des éléments de cristallisation, de convergence un peu compliqué. Bon, la maladie, c'est des coliques néphrétiques de Rocard, on y reviendra. Mais au début, comment se passe au début, il y a eu des premières rencontres, elles ont été à nouveau en bilatéral, avant de pouvoir qu'ils puissent être ensemble. Réunir. Voilà. Alors bon, plusieurs. Il y a eu quelques rencontres très discrètes au pavillon de musique dans le fond du parc de Matignon. Voilà, tout ça a été. Mais la négociation qui précède la signature des accords de Matignon. Christian Blanc a continué à la piloter avec Pierre Steinmetz. Moi, j'étais le facilitateur dans tout ça. Mais ces interventions se faisaient... Il fallait que le travail qui avait commencé en Nouvelle-Calédonie se concrétise. Il a fallu lever toute une série de difficultés progressivement. J'imagine, mais... Quand, à quelle date, à partir de quand arrivent Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur? Début juin. Début juin. Début juin, vers le 10 ou 11 juin. Et les accords de Matignon sont signés 15 jours plus tard, jours le 26 tard. Juin. Donc, pendant 15 jours, que se passe-t-il? Il y a des rencontres bilatérales, Michel Rocard, Tjibaou, Michel Rocard, Lafleur. Mais Lafleur et Tjibaou ne sont pas ensemble. Ensemble, 15 ensemble. Juin avec Michel Rocard. Bien, alors, expliquez-nous cette journée. Bah, ils étaient réunis. L'idée, c'était de commencer à avancer pour dessiner ce que pouvaient être les contours d'un accord. Mm-hmm. Et c'est en effet ce qui a été fait à ce moment-là, puisque le premier communiqué a dit que c'était d'accord pour commencer à discuter de l'organisation d'un territoire fédéral, d'un futur statut, etc. Mais pour l'instant, on était d'accord pour discuter. C'était déjà pas mal, hein, vu d'où on venait. Et des discussions. Alors après, on reprit avec les responsables de la mission, à la fois en bilatéral. On vérifiait que les uns étaient d'accord avec les autres. Il fallait aussi que Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou s'assurent quand même que leurs troupes les suivraient de pas trop loin, quoi. Donc ils avaient aussi besoin de vérifier un certain nombre de choses. Donc les délégations un peu plus nombreuses sont arrivées aux alentours du 20 juin, je crois. Que se passe-t-il d'un point de vue humain? Parce que là, on voit, j'insiste un peu sur l'humain, d'ailleurs je ne fais que reprendre la balle au bond de ce que vous me dites, hein, c'est qu'il y a aussi, dans le succès de cette prouesse politique, une dimension humaine. Hein, vous l'avez absolument. Dit. Absolument. Bien. Qu'est-ce qui se passe entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur quand, pour la première fois, ils sont ensemble? Vous y êtes à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans leur regard? Qu'est-ce que... C'était extrêmement... Chacun restait sur son camp à soi, hein, la première fois. C'était extrêmement... On était encore dans les lendemains du drame. C'est un peu après, si vous voulez, que... Oui, comment ça se réchauffe? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être avec l'usage, peut-être avec le fait de se rencontrer, et puis de se dire que finalement c'était la seule porte de sortie. Voilà. Je crois que la force d'entraînement de Michel Rocard aussi a permis de faire. Ils ont réussi l'un et l'autre à se dépasser par rapport à ce qu'ils portaient au départ. Et ça a été certainement le plus compliqué, mais humainement le plus riche. Et c'est le fait que ça repose sur cette nature humaine, c'est aussi un des éléments de, à la fois une force et une fragilité des accords. C'est une force parce que elle n'est pas artificielle, elle vient du plus profond des êtres. C'est une fragilité parce qu'une fois que les acteurs ne sont plus là, bien sûr. Qui reprend le flambeau? Bien sûr. Alors, Michel Rocard souffre de coliques néphrétiques. Dites un, c'est... Ah oui, bon, c'est... Voilà. Vous confirmez. C'est tragique. Et je crois, mais vous allez me confirmer, qu'à un moment, il va dans une autre pièce et il les laisse. Il a été obligé, en effet, à un moment, pour parce que le médecin voulait lui... faire des piqûres d'antidouleur, d'antalgique, etc. Et puis il prenait des bains chauds. Oui, à un moment, il s'est absenté une ou deux fois dans le courant de vers la fin du déjeuner. Mais on dit que ça a joué un rôle, le fait, à votre avis. C'est vraisemblable. Bon, alors en tout cas, dans la presse de l'époque, les accords font la une de tous les journaux, tout souligne, on est sur le fond maintenant, hein, le côté porteur d'espoir du traité, la condition d'une paix durable. C'est sur quoi je veux insister. Oui, parce que j'allais finir, oui. Mais il fallait insister sur le côté humain, parce que c'est quand même c'est oui, important. Oui, mais en même temps, qu'est-ce que c'est les accords de Matignon? Allons-y. Sans être trop technique. Hein. Sans être trop technique, mais c'est un document qui fait une page. Une page. Mmh. Et dans lequel, on dit, les deux délégations reconnaissent que le pays sort d'une quasi-guerre civile, que ça peut plus durer comme ça, et qu'il faut essayer de construire autre chose. Et ils s'engagent à soumettre à leur mandant les propositions de l'État qui sont détaillées dans le document ci-après. Et pendant une période d'un an, l'État va reprendre l'administration directe de la Nouvelle-Calédonie. C'est le contenu des accords de Matignon, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et alors, le grand paradoxe, d'ailleurs, c'est que une entreprise de décolonisation dans la République, comme dira Michel Rocard, a commencé par une reprise en main complète par l'État pendant un an. Mais c'est comme ça. C'est les ruses de l'histoire. Ouais. Et puis, et la deuxième chose, c'est que, sur les propositions qui ont été faites par l'État, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjebaou ont consulté leur base, et ils sont revenus au mois d'août signer des accords Oudinot. Oudinot, c'est la rue où se trouve le ministère des Outre-mer, et sous l'égide de Louis Lepinsec, ces accords ont été signés, donc ils forment un tout, les accords de Matignon-Oudinot. Et qu'est-ce qu'il y a au fond qui a cristallisé la possibilité d'un accord? Il y a eu la reconnaissance par les Kanaks de la légitimité de la présence en Nouvelle-Calédonie des Caldoches. Des Caldoches et des autres communautés, puisque au référendum qui devait avoir lieu 10 ans plus tard, pouvaient voter tous ceux qui étaient présents sur le territoire en 1988. C'était donc la reconnaissance des deux légitimités. Ce qu'on appelle une coexistence. Une coexistence, ça, oui. En politique, la légitimité des deux communautés sur le territoire. Ouais. Et en contrepartie, les non-indépendantistes ont accepté que la répartition du pouvoir ne suive pas exactement la règle de la majorité démocratique. C'est-à-dire qu'il y a eu des correctifs, notamment dans la représentation dans les institutions, qui fait que le Nord et les îles sont mieux représentés au congrès du territoire que le Sud. Et donc, si vous voulez, c'est... on accepte que ça soit pas exactement un homme, une voix, contre l'idée que toutes les voix se valent. C'est extrêmement pragmatique. Hein. C'est à la fois pragmatique et c'est encore aujourd'hui là-dessus, oui, que le destin de la Nouvelle-Calédonie peut se construire. Et comme nous arrivons à la fin de cet entretien, ça va toujours trop vite quand c'est passionnant, rapidement, l'avenir maintenant de la Nouvelle-Calédonie, nous sommes en 2016, moi j'ai compté les années en 8, il y a des échéances en 8, on en est où là? Eh bien, en 2018, au plus tard, les habitants de la Nouvelle-Calédonie seront consultés sur... alors aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie a considérablement progressé puisque elle dispose d'une autonomie extrêmement poussée, l'État ne conservant plus que les compétences dites régaliennes, oui, c'est-à-dire la justice, la défense, la monnaie, l'ordre public, etc. Et les affaires étrangères. Et donc, l'idée, c'est que les Calédoniens seront consultés sur « voulez-vous qu'on aille jusqu'au bout », c'est-à-dire transférer les compétences que l'État exerce encore et accéder à un statut international de pleine souveraineté et que, du coup, la Nouvelle-Calédonie accède à une forme d'indépendance qui peut être en partenariat avec la France ou sous d'autres formes. Ça peut servir de base, ça, cette méthode-là, dans d'autres conflits? Elle a été saluée, cette méthode. Ça a été beaucoup utilisé, par des groupes de réflexion internationaux, et notamment ça a été suivi de près aux Nations Unies comme méthode de résolution des conflits. Je ne crois pas qu'il y ait une méthode unique. Chaque conflit a sa situation. Mais c'est un exemple, en tout cas. C'est exemplaire, quelque part. C'est un exemple, et si à l'époque, en 88, on nous avait dit où on en serait 30 ans plus tard, on aurait signé tout de suite. Jean-François Merle, merci infiniment. Je cite juste une phrase de Michel Rocard, qui résume tout. À propos de Tjebaou et Lafleur, sur cette affaire, il avait dit « Ils n'ont rien abandonné, mais beaucoup donné et beaucoup pardonné ». Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, 88, les accords de Matignon. Une fiction écrite par Philippe Touzet, réalisée par Pascal Deux, Juliette Gou et Céline Illa. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Vincent Godard.